Tête stripteaseuse, c'est camionneuse, t'es impératrice, Catherine Médicis, t'es drôle de dame, t'es Jean-Claude Van Damme, t'es vache normande, t'es chef de bande, tu es tout ça. Gervaise, t'es vieille anglaise, tu es tout ça, à la fois tout ça, et j'aime ça. Sans jamais s'arrêter, complètement dénudée, elle chante des mélopées qui rit, qui crie, qui disent viens, viens, viens, viens, emmène-moi, emmène, emmène-moi, emmène-moi. Je te reçois 5 sur 5. 50 sur 50, 500 sur 500, 5000 sur 5000, 500 000 sur 500 000, 5 millions sur 5 millions, 5 milliards sur 5 milliards. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard pour avoir peur. Oui. Il est trop tard pour avoir peur. Du soir. Il est trop tard pour avoir peur. De la nuit. Il est trop tard. Il est trop tard pour avoir peur. Tu as peur ? Il est trop tard pour avoir peur. Avoir peur du retard. Que de temps. Paresseux. Paresseux, ben dans le sens de paresseux. Le temps est paresseux. Passe pas vite, hein? Il se laisse traîner. Puis derrière ça, il y a de la trace. Il y a toujours une trace. Une trace bizarre. Étrange. Indéterminée. Ça. Et puis ça, c'est très difficile à analyser quand c'est indéterminé. Non, mais comme je me dis, la balance de mon son est indéterminée. Puis si je joue avec... Attendez, si je... OK, parfait. On dirait que j'ai joué avec la sono la semaine dernière. Je fais un enregistrement avec les Catherine et les Dansettes. Oui, les Catherine et les Dansettes, c'est notre problème. On prend un nouvel mot. Il n'y a rien de mieux que ça, là. Non. Ben là, on va attendre, là. Je me sens un peu comme un citron vert et menthe. Donc, si on mélange ça, là, c'est un cocktail à base de rhum, un rhum blanc agricole. Parce que, va te raconter que la tondeuse d'avant-hier, parce que moi, je vais passer à la tondeuse, là. C'est le temps, il fait beau, faut passer à la tondeuse. L'hiver, on, hein, c'est quoi l'hiver? C'est la neige. Donc, c'est la pompeuse. Oh, ça pompe, ça pompe. Comment ça qu'il y a un son beaucoup trop fort, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Vous, comment sentez-vous ça? Ben, je sens que c'est un peu agaçant, oui. On n'a pas fait une balance de son avant le début de l'émission, mais quel connard! On les paie, attention, non, je fais pas de paix. Laissez-les en paix. L'incompétence a un nom, il s'appelle Reynald Gagné, R-A-Y-N-A-L-D, espace G-A-G-N-E, accent aigu. Mais est-ce que ça pourrait être mes écouteurs? Je sais pas. Le public s'en balance-tu si c'est tes écouteurs? Mais attendez. Oh, peut-être que c'est mieux comme ça. Non, pas du tout. Peut-être que pendant toute l'émission, vous allez entendre un son approximatif. Je m'en excuse beaucoup. Pardon, nous avons les prieuses. D'accord, merci. Quand même, on a développé un petit budget de 25 cents par « Je vous remercie beaucoup ». C'est quoi, là? Je m'en excuse beaucoup. OK. Toutes les grossièretés que je dirai pendant presque 2 heures, je m'en excuse beaucoup. Je m'en excuse beaucoup. Pour les divagations intellectuelles, sonores, les onomatopées sont... Hein? Oh! Je m'en excuse beaucoup. Je m'en excuse beaucoup. Pour le niveau un peu bas de la littérature et les références que vous entendrez pendant presque 2 heures. En fait, pour toute ma culture qui reste à refaire. C'est ça, c'est comme mon sol. Mon sous-sol demande quand même une certaine explication. Moi, je discute avec depuis à peu près 3 semaines. Je voulais faire à cette émission une rencontre avec mon sous-sol. Non, pas mon inconscient, mon sous-sol, mon vrai sous-sol. Moi, j'ai le baiser, ben, ça, c'est une petite baiser, une belle baiser, une baiser. Un Bacchaler, un Bapeller, un Mammeller, en tout cas. Brand Miller. C'est quoi, c'est un groupe, ça, Brand Miller? The Brand Miller and the Bad Seas World. Non, c'est quoi? C'est du bed metal. Oh mon Dieu. Et ça, là, nous autres, on se frappe dans les murs. Mais c'est des murs réconfortants, là. Ouais, fait avec la tisane. On arrose ça le soir, là, ça fait comme des émanants. Émanation, sion, when the worry, when the curve, manation, sion, when the ruin, when the curve, pas de la pomme, pas de la poire, pas de poire. Pas de poire parce que ça descend dans le sol, ça fait coller le prélo. Puis si tu mets ça avec. Un jour, tu vas quand même faire ton nettoyage, là, hein? C'est comme ton détartage, là, hein? Si tu vas pas souvent, là, hein? Mais quand va venir le temps, là, hein? Mais ça détartera plus, ils vont être obligés de prendre le chalumeau. Puis le chalumeau, j'ai connu, moi, en 1993, lorsque j'ai habité la rue Saint... pas Saint-Joseph, en tout cas, Saint dans le Saint-Roch, mais pas Saint-Joseph. Et Saint quoi? Saint-Richard, en tout cas, priez pour lui. Je m'en excuse beaucoup. Oui, je m'en excuse beaucoup. Et donc, on avait pendu la crémaillère. Hey, j'avais à l'époque, là, j'étais déjà très âgé. Je me retrouvais avec des jeunes garçons, jeunes filles majeures. Attention, appelez pas la police. Je m'en excuse beaucoup. Je m'en excuse beaucoup. Bon, mais j'avais le droit. Oui, j'avais lu le code de Rénal. Là. Le code Rénal disait « Aime tous ceux qui t'aiment ». Ouais, c'est de l'émanation, ça, là. Moi, je te dis que la poire poulée, la pourriture de poire dans ton pré, là, ça donne un coussin gonflable. Hein. Ça t'explose en plein visage. la pleure, puis les noyaux de poire. Avez-vous déjà vu ça, des noyaux de poire? Gaétan Bossé, 32 ans, insignifiant comme sa mère, lui a essayé de rencontrer un grain de poire. Il a discuté, ouais, je sais qu'on saute de coq à blâme. Ça, c'est une belle, un bel album de Linda Murray, demeuré, est devenu de plus en plus demeuré, hein. « Mon papa, moi, c'est toi. » Bon, et non, mais elle cherchait son père, là, hein, dans, en dessous du pré, là. Mais il y avait de la poire. Et donc, discussion avec un grain de poire. Une graine de poire, madame? « Je m'en excuse beaucoup. » Oui, je m'en excuse beaucoup. Mais le grain, hein, le grain voulait discuter avant même d'exploser, parce que excusez-moi si je me répète, là, mais un grain de poire, c'est comme un maïs qui s'essouffle. Plus il s'essouffle, plus il peut péter. Puis quand il pète, attention, l'explosion peut faire mal. Je vous conseille de rajouter un petit peu de beurre. Vous le mangez dans les 30 secondes. Mais pas avant. Peut-être un petit peu plus après, mais une minute. Dépassez pas une minute. Sinon, ça risque de devenir froid. Donc, plus croustillant, moins intéressant pour la mâchoire. Puis la mâchoire va te le rappeler le lendemain, hein? Hey, là, t'as entendu le record, toi, là, t'étais quoi? T'étais sur la brémamine, la mémamine, la belle babine de Shirley. Ah, je la comprends, je la connais. Non, écoute, je te ne chicanerai même pas. Il n'y aura pas de chicane. Tu restes quand même mon grand ami, parce que moi-même, rencontrer les babines de Shirley, je resterai 2 semaines devant à les examiner, à prendre des photos, vidéos, placer ça sur Facebook, YouTube, et puis là, oh, c'est l'élève de Shirley. Je m'en excuse beaucoup. Oui, je m'en excuse beaucoup. L'affaire s'ébruite, seule face à... Ouais. Hello! Oh, Raymond! C'est Raymond qui vient ce soir avec la weed. L'affaire s'ébruite. Seule face à son écho. Elle s'étouffe. Elle tourne au ridicule, mais ne la tue pas. Elle revient à travers l'hiver dans ma mémoire nordique. La chaleureuse flamme, la charmante fille, enneigée de sensualité, le pompon pomponné, je me dirige sur son sentier à l'été d'amour. À qui? À l'été. D'amour. À l'été d'amour, c'est aimer comme moi je t'aime. On arrête ça là. En panne de détresse, sous l'adresse où la nostalgie ne réagit plus, où la mémoire s'évanouit lentement, laissant la démence s'emparer de la réalité comme un voleur de souvenirs, un bandit dissonant qui brouille les pistes et efface la liste acquise le long des années. Le goût du jour se résume en plusieurs nuits d'errance sous la souffrance singulière, introspective, qui s'enflamme lentement dans le crématorium du microcosme, dans cette fin du monde personnelle. On risque de se voir dans les déboires d'un bordel, délivré de ma substance, en encensant ta vulgarité, en t'enfonçant dans ma clarté. On risque un soir, dans l'illumination des heures, à la cime de l'improvisation, d'arriver à cette sensation que la vie, dans la déraison, doit jaillir ainsi, dans la consonance et l'abondance. Une fermeture sans éclair pour un ciel électrique, que les nuages se résonnent. Il n'y aura plus de référence. L'immense aventure se termine, mine de rien. Le temps se prédisposait à ce changement d'humeur. Meurs maintenant, n'attends plus. L'humanité athée se terrifie avec raison. Mon actualité cette semaine, non mais c'est bien, il faut se raccrocher au quotidien. Il y a du quotidien dans ta vie, il y a du quotidien dans la mienne aussi. plus dans la tienne que dans la mienne, mais peu importe, j'en ai eu. J'ai vécu des choses pour toi, public. Je suis ennuyé. 6 jours et demi à pleurer. Je me suis mis à genoux. J'ai pris des timides, en tout cas des intraterrestres. Je les ai priés, venez me chercher pendant 6 jours et demi pour me remonter ensuite puis faire mon émission. Ils m'ont dit, t'es-tu malade? On a de la misère de t'endurer 2 minutes. Donc, là, on te voit aller, puis il n'y a plus personne qui veut rien savoir de toi. Là. T'es un délaissé. T'es un délesté. T'es un moins que presque rien. Tu es de moins de presque rien, de juif errant, de part grecque. Hey, chante pas tes classiques. Là. Alors, mon actualité cette semaine, le barrage routier. Hey, mon ami. Tu sais que je conduis un scooter. Tout le monde le sait. Arrête de les endormir. Non. Il y a une histoire, une vraie. C'est la réalité. Je l'ai raconté à quelques personnes. Puis, je m'ingurgitais la gorgotoune avec quelque chose de citron vert et de menthe. S'il te plaît. Merci. Fais la même chose avec ton verre d'eau. Pas de glace, là. C'est bon. Au lieu de la limonade, je vous conseille menthe et citron vert. Pas citron jaune, citron vert. Là, tu vas dire, verdissant avec toi, c'est merveilleux. Pardon? Non, c'est comme un slogan. Là. Je porte des affaires de même. Là. Hein, madame? Je m'en excuse beaucoup. OK. Alors là, écoute, je me prépare pour aller travailler. 21h, embarque sur mon scooter parce que je commence à 22h. Je fais des 10 heures. Des 10 heures de travail intense à rencontrer du monde. Pimpon, en pleine nuit, une sirène. Appelle au feu tous les pompiers. Et du Québec qui se réveille avec des dettes plein le quartier. Non, mais savez-vous que la différence entre les résidents du vieux Limoilou et ceux du vieux Québec se résume ainsi. Les gens du vieux Limoilou comptent leur cent. Les gens du vieux Québec passent leur carte de crédit. Imaginez-vous pour une pinte de lait. 1,73 sur la carte de crédit. J'en vois plein dans le vieux. Au moins, Limoilou, excuse-moi, il manque 45 cents, là. Je vais aller chercher des bouteilles vides, puis je vais les ramener. Bon, il n'y a pas de problème. Là, là-bas, c'est pas. Il n'y a pas de problème, là. Hein? Le nez levé. Attention! J'habite pas dans un trou, j'habite dans le vieux Québec. S'il te plaît. Ferme ta bouche, ouvre tes yeux, tu verras, ça ira mieux. Les autres ont compris, hein, Alice Roby. Non, il me faut quoi, ma chérie? Une pinte de lait? Pas de champagne, non, pinte de lait? Non, je reste simple, excuse-moi, là. Je t'ai rencontré, tu te souviens, à Venise? Ouais, à Venise dans l'Estrie, là. Ouais, la petite Venise, là. Il y avait la petite Marie, la petite Venise, tout était petit. Ah, c'était petit, mais c'était quand même un manoir, hein, un grand manoir. Voyons, manoir, tu te souviens plus de ça, toi? Excuse-moi, j'ai perdu un peu ma... Excusez-moi, j'habite dans le vieux, là. Hein. Alors, moi, je... Excusez-moi, madame, je... Pardonnez-moi. Mais tu pleures? Tu pleures, ma carte de crédit? Mais qu'est-ce que tu vas me dire, là? Tu es rouge. Tu ne digères plus rien. On ne peut plus empiler. Et ma copine qui veut du lait. 1,73$, s'il te plaît, du lait, s'il te plaît, 1,73$. Passe ma carte de crédit, ma bébé. Je prendrai soin de toi. Je te cacherai là sur mon cœur. Écoute. Je ne suis pas de là-bas, là. Je ne suis pas de là. Je suis d'ici. Cultivé. Un rang de patates, un rang de coton, un rang de patates. Non, je cultivé dans le sens que, écoutez, là. Rémal, money. À un moment donné, Rénal, money. J'en ai plus de money. Oh, mon Dieu, carte de crédit, écoute-moi. Il me faut une peine de l'âge de l'an 73. Je peux pas amener des bouteilles vides. Le vieux Québec. Je dois respecter mon petit coin de ville. Je vais recevoir des cartes de crise, voilà, là. Non, ouais, il va dire. Mais, c'est vrai, c'est incroyable. Pas de problème, eux autres. Un verre d'eau, sa carte de crédit. C'est gratuit. Non, attention, toi, là. Je veux ma petite carte de crédit que je vais te passer, toi, là. Je vais te la passer au-dessus du nez. Tu vas voir, c'est quoi une carte d'or? Une carte d'or. Attention, une carte d'or. Que je veux te passer sous le nez. Une carte d'or. Ok, là. J'ai quand même $1.73 à donner pour je veux avoir du lait. En fait, c'est pas moi, c'est ma charmante pomponnée, en fait, c'est mon escorte. En fait, escorte le jour, puis femme la nuit. Elle veut du bon lait. Et donc, je vais y aller, là. Avoir l'air intelligent. Je vais mettre ma cravate noire, ma chemise blanche, mes cheveux gommés, comme eux, comment on s'ennuie dans le gommé. Mais là, on gomme, mangeant de la gomme. On n'est pas dans la basse, on est dans la haute. Regarde, le bateau va arriver, là. C'est le bateau qui est là. On y va. Voilà. Merci. S'il vous plaît, mets une pièce 73 sur ma carte de crise. Il faut aller chercher du lait, puis il me faut de la constance. Constance Desrochers? 2014, non, c'est 2015, Spestace? Tu vas faire du Spestace? J'espère avoir une place. Toujours avec chef fermé, Clémence. En tout cas, j'arrive là-bas. Mon lait, quand même, 3,25. Hein? Hyper enrichi, crémeux. On n'est pas de la base, là, de l'écrémer. Voilà. Le commis me semble louche. Il se promène dans ma bouche. Il doit venir d'ailleurs. Pour moi, c'est sûr, il est d'ailleurs. Il est comme... Alors, bonjour, monsieur. Vous êtes un nouveau? Riez pas, parlez pas, dites rien. Hein? Vous avez, comment t'appelles ça, donc? Du savoir-faire, non? Ah, oh, le sens de la clarté. De la clarté. Marté. Le sens quoi? De l'ambiguïté. Le sens. Vous avez un sens très unique. Vous êtes unique. Un sens unique. Et on va vous acheter... moi puis ma carte. On fait un duo. C'est comme Aurel et Barbie. Aurel et Barbie. Barbie bébène. Dans les débènes. En tout cas, on va s'acheter... Vous êtes perdu? On va vous retrouver. J'ai mon GPS, je vais payer 2000$ à la carte de crédit. Excuse-moi. Oui, une petite panne de lait, $1.73. Passez ma carte d'or. C'est passé! Merci, monsieur, vous êtes merveilleux, je vous embrasse. On va vous donner 5 cents la prochaine fois. Oh. Alors, le barrage routier, c'est ça l'histoire. C'est qu'à un moment donné, un mercredi, je m'en vais travailler dans le vieux. Et là, je vois au loin, je passe à 3e avenue. Et là, la rue du pont. Je vois des gyrophares. Je dis, oh non, ils cherchent quelqu'un, il y a eu un accident. Mais plus j'avance avec mon scooter électrique, plus je me rends compte. OK, qu'il se passe quelque chose, mais pas un accident. Pas un accident! Les voitures de police sont placées trop droit. Un peu sur un... Tu sais, quand tu regardes un film hollywoodien, il n'y a pas de travers, il n'y a pas de voiture qui bloque. Il y a une policière et un policier. Une qui ressemble à Claire Lamarche, là, une dame... comment tu l'appelles, là, sur TV5, là, qui fait une émission... toute une histoire, là. Hein? Mais avec une mèche noire. Puis là, elle a pas l'air d'une policière. Et l'autre, un vieux monsieur, on l'a sans doute réveillé de sa retraite. Excusez-moi. Caporal casse-pompon. sais, on me réveille à 2 heures du matin. On manque de policiers pour faire un barrage sur la côte. Pouvez-vous passer sur la rue du pont? On va vous donner 350$ de l'heure puisqu'on vous réveille de votre retraite. Merci. Alors, il semble un peu à ça, OK? Fait que moi, là, plus j'avance, plus je me dis, ah non, c'est un barrage. Là, je voyais des vélos qui passaient sur le trottoir, mais t'as pas le droit de rouler sur le trottoir en vélo. Hey, avant d'avoir une contravention, jouons la carte claire. Que je vois passer le long des golfs clairs avec... Mais là, j'arrête. Il y a une voiture devant moi. Une dame, une gentille dame, là, 60 quelques années, qui voulait discuter. Elle était seule à bord. Là. Elle s'est dit, ça fait 3h30, je suis tout seul, j'ai une policière devant moi, puis elle veut parler, je veux parler. Là, elle pose des questions. Moi, j'étais là, je regardais là. Je regarde le policier âgé. Il me regarde. Alors, je fais semblant, je me replace à regarder la voiture, pose des questions. La dame. Ah oui, faites un barrage routier. En faites-vous souvent? La policière. Bien là, c'est la première fois cette année, là, mais on veut faire de la prévention sur l'alcool au verre. La dame. Ah oui, en avez-vous attrapé? On a attrapé 2 grosses mouches noires, puis une mouche à marde, puis le gars en arrière avec son scooter, c'est une 3e mouche à marde. Non, on peut pas dire ça. Mais non, on n'a pas encore attrapé. Bon, ben écoutez, j'espère que ça va bien aller. Ah oui, en tout cas, là, la dame, elle s'en va. Là, c'est à mon tour. Je passe tranquillement avec mon scooter électrique, fait que ça fait pas de bruit. Je glisse vers elle. Elle dit « Bonjour, madame. » Je dis « Mais excusez-moi, là, j'ai été repéré. Je suis monsieur... » Oui, monsieur. Nous faisons, prévention routière, l'alcool. Oui, je sais, merci. J'ai dit, là, elle me demande « Avez-vous bu d'alcool? » Et on a, oui. Est-ce que lorsqu'on se gargarise le gorgeon avant de se brosser les dents, est-ce qu'ils ont mis de l'alcool à l'intérieur? Elle dit, pardon, je comprends pas. OK. Excusez-moi. Quand je prends du rince-bouche... Pardon? Du rince-bouche. Je me sens comme Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre Ferland. Parce que quand je prends du rince-bouche... Bon, tu restes. Est-ce qu'ils ont mis encore de l'alcool? Non, c'était ça, monsieur. C'est terminé depuis très, très longtemps. Il ne met plus rien là-dedans. OK, excusez-moi. Quand on boit du lavite... Pardon? Ouais, du lavite. Quand on boit du lavite, est-ce qu'ils ont mis de l'alcool là-dedans? Mais non, il n'y a pas d'alcool là-dedans. OK. Est-ce que, je vous tiens à vous dire que je m'en vais travailler. OK. Là, il est 22 heures, là. Ouais, excusez-moi, j'ai un problème avec le son sonore. Il a des problèmes avec le son sonore. Oui, moi, c'est le son, il m'a rigoureux. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, madame, c'est que, on va se terminer là très bientôt, là, c'est que je m'en vais travailler. Ben allez, mon cher, allez. Fait que là, elle me laisse partir. Et là, je pars mon scooter. Et la dame me dit, et ça c'est vrai, là, la police me dit, « Ah, c'est un scooter électrique. » Fait que là, je me retourne vers elle tout en partant, en continuant. Je dis, « Ah oui, je l'ai trois depuis 3 semaines. » Et là, lorsque je me remets à regarder devant moi, il y a une grosse police. J'ai passé un cheveu de la frapper. Puis là, je dis, « Hey, attention, oui, excusez-moi. » Excusez-moi, je parlais avec la dame en arrière. « Hey, oui, mais soyez prudent, monsieur. Là. Hey, c'est un scooter qui va très rapidement. » là. Pardon? Très rapidement, là, hein? Pardon? Très rapidement, là, hein? Pardon? Très rapidement, là, hein? Très rapidement! Ah, c'est bon. Ça va faire un grand succès. Oui, mais ça va à 32 km/h. Je vous aurais même pas blessé. Pas moi, mais ma voiture, c'est au papier ta voiture-là. Hey, vous avez raison, monsieur. C'est mon actualité de la semaine. On va passer la nomenclature pour vous annoncer mon invité, parce que ça vaut la peine. C'est une personne extraordinaire, une artiste jazz, blues, en tout cas. Moi, si je continue, là, c'est pour vous faire plaisir. Puis pour me faire plaisir. Et pour l'entendre aussi. Aujourd'hui, le vendredi 18 juillet 2014, l'errance. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et Puis comment ça, c'est pas gazifié? Non, je sais. C'est l'abondance d'air dans mes poumons qui, à un moment, remonte. Et la présentation va faire remonter tout ça. Ben, c'est pas très, très... Madame, prenez pitié de nous. C'est quoi votre affaire, là? Allez-y. Y a rien de mieux que ça, là. Hein? Oui? Je m'en excuse beaucoup. Bon, madame, je m'en excuse beaucoup. Aujourd'hui, le vendredi 18 juillet 2014, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste jazz Raphaël Atlan. Raphaël Atlan est une chanteuse née le 10 mai 1983 à Paris. Hein? Le 10 mai? Oh! Attendez. Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes? Oui, je vais regarder mon celluloïde. Ah, ben oui, c'est... OK. Je me comprends. En tout cas. Très tôt, attirée par la musique, elle prend des cours particuliers de piano classique dès l'âge de 9 ans. C'est à 15 ans que Raphaël commence les cours de chant avec la spécialiste de la voix, Yael Benzaken. Elle fait ses premiers pas sur scène à 17 ans en tant que chanteuse dans divers orchestres de soirées privées, tout en poursuivant un cursus universitaire. À l'automne 2003, très peu de temps après avoir repris le piano, elle se tourne définitivement vers la musique en choisissant d'intégrer la micaringa. Allô, Raymond? Mais? Mais. On continue. À l'automne 2003, très... Oui. Oh, communication avec les intras. On y va ici. Comment? À l'automne 2003, très peu de temps après avoir repris le piano, elle se tourne définitivement... T'as de la misère avec ça, toi? Mais je sais pas, là! Mais on recommence. Gainsbourg me dirait autrement. Tu poursuis même si tu trébuches. C'est comme ça que ça va se passer, là. Mon cœur palpite. Tu l'entends, mon amour. Allô? Oui. On peut plus faire d'intro, là. C'est OK. Allô? J'ai le goût d'aller plus loin. Hein? Un peu plus haut. Vas-y. À l'automne 2003, très peu de temps après avoir repris le piano, elle se tourne définitivement vers la musique et en choisissant d'intégrer l'American School of Modern Music de Paris. C'est très parisien comme nom, ça a l'air. American School of Modern Music de Paris, que je les ai trouvés des mots anglais comme ça. S'ensuit très rapidement la rencontre capitale avec le pianiste Serge Forté, non pas Serge Fiori. En France, ils ne connaissent pas ça, Serge Fiori. Moi non plus. Qui accepte de lui donner des leçons de piano et au contact, influencé aussi bien par la soul. Pas ce que je voulais dire, en tout cas. Influencée par la soul, le rhythm and blues et le jazz, elle travaille actuellement à l'élaboration d'un projet personnel dans lequel elle chante tout et s'accompagne au piano. Vous l'entendrez dans le bloc 4 de l'émission, c'est-à-dire dans les derniers 30 minutes. En juillet 2013, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette fille extraordinaire, à la voix sensuelle et à la beauté extraordinaire. Je t'ai dans la peau, je t'ai dans mon âme, comme on souffle le soir, la braise sous les flammes. Je t'ai dans la peau, comme un homme sur terre croit que c'est pour bientôt la toute fin de l'univers. À l'attaque, même en vrac, à l'attaque, même en vrille, même en vrac. Je t'ai dans la peau, comme on est pris de fièvre et trempé jusqu'aux os. On réclame tes lèvres, je t'ai dans le sang, je t'ai dans ma chair, je t'ai de toute façon. C'est la seule chose qui est claire. Jamais pensé y planter mes dents jusqu'à enseigner. Gambetta. Ah, c'est quand même un endroit assez. Ouais, c'est sympa. Ouais. Assez prisé, hein. Ouais, c'est plus résidentiel, mais c'est en tout cas, c'est bien pratique parce que c'est bien desservi par métro. C'est moins mouvementé qu'ici. Ouais. Ah, ici, c'est, ouais, c'est sympa ici. C'est le rond-point. Toi, tu restes ici. T'es ici, tu. Ouais, mais moi, je reste dans une auberge de jeunesse. Ah, sympa. Juste ici à côté. Alors, tu viens tous les mois de juin, juillet à Paris. Exactement. Et... Ben, j'ai 8 jours. Normalement, c'est la fin juin jusqu'au premier samedi du mois de juillet. D'accord. J'ai rencontré des artistes, des chanteurs, des chanteuses, des acteurs, des actrices, des plasticiens. D'accord. Et voilà, chaque année, j'essaie de trouver de la relève. D'accord. Merci. Puis c'est pas ça qui manque, hein? Ah ouais. Mais toi, tu es aussi enseignant. Comment? Tu es enseignante aussi? Non, je ne suis pas enseignante. Enfin, j'enseigne, je donne des cours privés, mais... C'est ça? Ouais, ouais. OK. Je suis coach vocal, mais sur le papier, parce que j'ai mon diplôme, mais je donne peu de cours, en fait. Je suis surtout... je fais surtout de la scène, c'est comme ça. Puis, tu n'as pas d'album... tu travailles actuellement sur un album? J'ai mon premier album déjà. Okay. Ouais. Je l'ai amené d'ailleurs. OK. Et tu chantes. Tu es née ici à Paris, toi? Ouais, moi je suis née à Paris. Ouais. OK. Du même. Ah, merci. Ça s'est sorti il y a 1 an et demi. OK. Mais c'est avant tout en anglais. Et c'est en anglais, ouais. OK. Ouais. Pourquoi? Ouais. On est enregistré là? Oui. Ah, d'accord, ok. Ouais. C'est en anglais parce que en fait c'est une langue que j'affectionne, que j'ai étudiée aussi. Et ça m'est venu facilement avec la musique et les mélodies que j'écrivais en fait. Ok. Je trouve que pour le français, demander une musique un peu différente de celle que j'avais envie de faire, mais par contre, pour le prochain, j'ai envie de faire plus de français. Ah, tu travailles déjà sur le deuxième album? Ouais, ouais. Okay. Ouais. Avec une équipe ou si tu greffes ton équipe à chaque album? Pour l'instant, avec la même équipe, mais il y aura certainement plus d'invités. Ouais, il y aura plus d'invités. Des amis que tu t'es... Des rencontres, ouais. Des gens que j'ai rencontrés. Lors du premier album? Soit en faisant des spectacles, soit dans la... Dans ce que m'a amené à faire la vie pendant ces deux années qui m'ont séparé de la sortie du premier. Ouais. Mais tu as une formation en musique? Oui. À l'origine? Oui, ouais, tout à fait. Moi, j'ai commencé la musique à 8 ans, à peu près, le piano. Enfin, même, pourquoi tes parents jouaient? Non, pas du tout. Enfin, ils m'ont même mis à 3 ans sur un piano, en fait. Ça a duré 6 mois. Oui, c'était un peu petit, quand même. Oui, oui. Et après, j'ai repris vraiment sérieusement à 8 ans. J'ai fait du classique. J'ai suivi par du chant. Et vers les 20 ans, je me suis mise au jazz, en fait. OK. Voilà. Vers les 20 ans, 21 ans. Et... Et j'ai fait donc des études littéraires. Hein. Et quand j'ai décidé de faire de la musique, bah, je me suis mise sérieusement à des écoles privées, l'American School of Modern Music, qui a été une antenne de la Berkeley de Boston. Et... Alors, tu as été étudiée aux États-Unis. Mais j'ai pas été étudiée aux États-Unis, je suis restée à Paris jusqu'à présent. Ouais. Ouais, jusqu'à présent, j'ai fait que mes études à Paris. Ensuite, j'ai étudié, donc là j'ai fait ça 2 ans, puis j'ai étudié auprès d'un pianiste pendant 2 ans. Un pianiste classique ou... Pianiste de jazz, qui s'appelle Serge Forté. Et ensuite, j'ai suivi d'autres cours pendant 1 an, puis je me suis lancée un petit peu. J'ai suivi des cours avec Pierre de Bettman, qui est aussi un pianiste ici, et une chanteuse qui s'appelle Michelle Hendrix. Et je suis rentrée au Centre des musiques Didier Loucoud. Ok, oui. Voilà, j'ai fait mon diplôme en 2 ans. Mais il y en a plusieurs qui sortent de cette école-là, c'est vraiment... Ouais. Elle brasse beaucoup d'étudiants et c'est une très bonne formation. Est-ce qu'il enseigne là, non? Il enseigne, oui, tout à fait, le violon, le violon jazz. Donc j'ai eu le plaisir de le rencontrer évidemment plein de fois et puis de sympathiser beaucoup avec Benoît Souris et André Charlier, qui sont aussi professeurs là-bas. Et c'est avec eux que j'ai réalisé le premier album. Et c'est avec eux que j'ai réalisé aussi le deuxième. Mais avant d'entrer dans cette prestigieuse école, tu dois quand même faire des preuves, tu dois passer des auditions. Oui, j'ai passé des auditions, puis j'ai été aussi recommandée par... Stéphane Guillaume, qui est aussi un saxophoniste brillant et qui travaille beaucoup avec Charlier Souris, qui a fait pendant des années, l'ONG, qui fait tout un tas de projets, dont les siens. Et on avait sympathisé sur une scène, en fait, dans le cadre de l'album de Serge Forté, un album qui s'appelle La Bohème. J'avais chanté 2 chansons en français, j'étais toute jeune, j'avais 23 ans. Et puis on avait fait une scène, il avait invité Stéphane Guillaume entre autres, il avait invité David Lynx, Sheila Jordan, pas mal de beau monde, donc j'avais fait la connaissance de tout ce monde-là. Et puis avec Stéphane, on est resté très en contact et il m'a recommandé de faire l'école. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément mûrir musicalement. Bonjour. Mais en plus, c'est une très belle. C'est un très beau nom à placer sur un CV, ça donne des ouvertures. C'est vrai, ça donne des ouvertures, sur plein de choses. C'est vrai. Et c'est 3 ans là-bas C'était 2 ans jusqu'à récemment, et là, il y a deux cursus. Il y a le cursus habituel qui est toujours en 2 ans, en 1 ou 2 ans, on peut choisir. Enfin, le diplôme est en 2 ans. Et il y a un cursus en partenariat avec, si je ne me trompe pas, le CRR de Paris. Qui est en 3 ans, qui est une licence officielle, mais ça fait très peu de temps que ça a été mis en place. Je crois que c'est la deuxième année. Et après, ça t'a donné la chance de pouvoir enseigner, mais c'est ce que tu fais pas vraiment actuellement parce que tu... Ça me donnait, non, en fait, c'est pas vraiment. Ça te permet pas d'enseigner, mais ça te permet d'avoir toutes les compétences qu'on attend de toi en tant que musicien professionnel pour pouvoir affronter n'importe quelle situation, n'importe quelle scène de jazz ou musique improvisée, musique actuelle. C'était vrai que c'était vraiment formateur, en fait. Mais toi, tes albums, c'est toi qui écris les textes et c'est toi qui écris la musique? Ouais, j'écris les textes. Au moins la moitié des musiques. Il y a eu donc une collaboration avec Benoît Souris sur un titre et une autre collaboration avec Stéphane Guillaume sur un titre. Et enfin, on a repris 3 morceaux. Donc un morceau de Kenny Kirkland et de Sting. Un morceau de... Mais les droits d'auteur, c'est pas trop onéreux à se procurer? Ça s'est bien déroulé pour nous. Il n'y a pas eu de souci. C'est bien passé. Voilà. Bien. Donc c'est mon... Et puis là, je me tourne vers la suite. Voilà. Mais en fait, tu prépares un lancement d'album en Suisse ou si tu prépares à faire des spectacles Non, je prépare la suite. Ah, la suite, ok. C'est là qu'on s'entend pas avec le commun qui est derrière nous. La suite, c'est le deuxième album. Avec des chansons en français. Il y aura des chansons en français, certainement. En fait, tu peux attaquer beaucoup plus facilement un spectacle avec 2 albums qu'un simple album. Oui, c'est vrai que ça permet de s'inscrire un peu plus durablement, en fait. Ah oui. Ça, c'est vraiment précieux pour moi d'être dans une droite, de ne pas m'arrêter là, enfin, d'être dans une continuité, d'imposer un style. Voilà. Ça, c'est... Mais tu sais déjà vers où tu vas t'aligner, tu connais déjà tes. Ouais, bah là, je suis en cours d'écriture, donc. I knew what I was doing when I had my brain removed. pas comment on en est arrivé là. Mais de fil en aiguille et d'alcool en tabac, la porte était fermée, le lit était défait. Comme on n'était pas né de la dernière couvée, on n'a pas eu besoin de se faire un dessin. Ça sentait l'épiderme et le contact humain. Mais comme on ne se connaissait ni des lèvres ni des dents, on s'est tourné le dos pour un petit moment. Pas un mot, presque rien, ni mon nom et encore moins le sien. Et encore moins Lucien. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais de fil en aiguille, d'atmosphère en climat, les lèvres étaient mouillées, les longs cheveux défaits. Défaits. Le vent qui voyait tout a fermé le volet. Le vol est mon ami, a soufflé la bougie. Et le temps qui filait s'est mis à filer doux, tout doux. Le temps que s'habitue et nos joues et nos fronts, que déjà se mêlait le plancher au plafond. Souffle court, torse lourd, comme si on n'avait jamais fait l'amour. Comme si jamais l'amour. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais de fil en aiguille et de pas en faux pas, la porte était fermée, le lit était refait. On n'a pas eu besoin de se faire un dessin. Un sourire a suffi, un geste de la main. Et moi je me suis remis à l'alcool et au tabac, tout seul comme j'étais seul avant qu'on en soit là. Pas un mot, presque rien, c'est comme ça quand on revient de loin et qu'on se croit malin. C'est que l'histoire bégaye déjà ce qui... se plaît pas tant que ça. On connaît ses défauts, on sait bien ce qui ne va pas. Ce qui est trop haut, ce qui ne sera jamais droit. Ce qui n'est pas beau, ce qui le deviendra. Ce qui prendra l'eau, ce qui surnagera. On verra bientôt si on sait marcher ou pas. Ce qui nous arrive ne dépend plus vraiment de moi. Ce qui nous atteint diverses. Est-ce que là, pour ce qui est des chansons françaises, tu écriras toi-même ou tu vas te faire aider par des... Je pense que je vais les écrire, ouais. Okay. J'en ai déjà écrit quelques-unes et j'aime beaucoup écrire, donc je pense que ça me tiendra à cœur de signer les textes, en tout cas. Est-ce que tu aimes les collaborations ou si tu préfères faire tes choses toute seule et... Ben, j'aime bien... Il y a des morceaux qui me viennent comme ça, seuls et... qui ont une certaine unité, mais je trouve que les collaborations, c'est vraiment enrichissant parce que ça me permet d'aller dans des endroits auxquels j'aurais pas pensé. Ça permet de faire des rencontres, ça permet de s'ouvrir à d'autres choses. Moi, je trouve que c'est au moins aussi précieux que de s'exprimer entièrement, intégralement en signant et la composition et le texte. Est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? C'est parfois... En anglais ou en français, peut-être que ça... Ça a été la musique souvent qui a aimé les mots. Okay. Ouais. Ça a été la musique, le rythme, se sont la mélodie. Joints tranquillement oui, ouais. À l'harmonie. Ça s'est fait comme ça, ouais. En général, moi, ce que je fais, c'est comme beaucoup de gens, en fait. Hein, on est sur l'instrument, on fredonne des choses. Il y a quelques mots qui commencent à apparaître, en fait. Et on les fixe... On les fixe à des endroits de la mélodie et puis on brode autour de ça, quoi. On construit autour de ça, mais c'est vrai qu'en général, il y a comme si des mots qui s'accrochaient à la musique, quoi. Okay. Qui venaient s'imprimer. S'inclure dedans, s'imprimer là-dedans. C'est assez marrant, le processus. Est-ce que tu te rends compte qu'en français, c'est la même chose ou il y a une petite modification? Bah, curieusement, en français, j'ai toujours envie de commencer par le texte, en fait. OK. Ouais. Pourquoi c'est quelque chose qui fait peur un peu, la langue française? C'est pour ça que tu préfères écrire? Je la trouve très exigeante. Ouais. Et si je veux l'intégrer à la musique que j'ai en tête... C'est vrai que j'ai besoin de savoir vraiment où je vais, donc autant avoir le texte préparé d'avance. Puis je pense que c'est aussi mes études littéraires. J'ai lu, évidemment, comme pas mal de gens qui ont ce cursus, de pas mal de poésie et tout. Donc bon, j'ai déjà des formes en fait en tête. C'est pour ça que forcément j'ai toujours envie de... Musicalement, qu'est-ce que tu écoutes? De m'exprimer comme ça. Ces derniers temps, beaucoup de musique brésilienne. OK. Ouais. Pourquoi? Pour amener le soleil à Paris? Parce que j'y suis allée en janvier pendant un mois. En vacances ou... Non, dans le cadre d'un stage. Et je suis restée sur place pendant 2 semaines après le stage. Et donc j'ai eu envie de m'immerger un petit peu pendant plusieurs semaines. Et ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment pas mal bouleversé, ouais, comme c'est comme un endroit qui te plaît beaucoup. Ouais, ça m'a bien. Et qu'est-ce qui t'allume là-dedans, dans ces endroits? Je crois que c'est l'énergie et la sensualité de ce pays, en fait. C'est un pays qui est très charnel et très lumineux en même temps. charnel aussi bien dans le sens positif que négatif. Il y a quand même pas mal de violence, de la violence physique. Je me suis fait voler. Ah oui? Ah ouais, à la main, on m'a arraché mon sac et tout. C'était quand même un truc, mais bon, j'étais en partie responsable parce que j'aurais pas dû être là où j'étais à ce moment-là. Scooter, normalement. Hein. Les gens sont en scooter puis arrachent les... Non, là, c'était encore différent, mais bon, en tout cas, c'était une expérience bizarre, mais c'est pas ce que je retiens du voyage, quoi. Le voyage, c'était surtout la danse, c'était surtout... Au niveau artistique. Ouais, au niveau artistique, c'était hyper riche, incroyable. Les gens écoutent de la musique en dansant, en étant debout, mais il n'y avait pas du tout ce rapport religieux comme nous on l'entend, avec des chaises disposées, bien ordonnées. C'est quand même très... À la bonne franquette. Ouais, c'est très à la bonne franquette, ouais. Il y a un rapport au corps, il y a une connexion à l'ensemble du corps et de l'esprit, puis... qu'on voit plus trop sous nos latitudes, quoi. Ouais. Et moi j'aime bien ça. Voilà. Et surtout qu'il fait souvent soleil. En plus il fait souvent soleil, ouais, donc ça aide bien. Mais lors de ton premier album, tu fais beaucoup de spectacles pour la promotion, puis même pour ta promotion. Ouais, j'ai fait pas mal de spectacles. Ouais. J'ai fait pas mal de clubs à Paris, de clubs en province aussi, notamment en Rhône-Alpes. Chambéry, Grenoble, Annecy, Lyon et un petit peu dans le sud de la France. Des festivals aussi, des tremplins. On a gagné Jazz à Vannes et Jazz à Lagny en 2012, donc c'était bien, on était contents. Et voilà, donc on a fait à peu près 25 dates, quoi. Donc. Est-ce que tu t'accompagnes souvent seul au piano ou si tu préfères avoir un petit orchestre? Bah, j'aime beaucoup, j'aime bien avoir mon groupe. Ouais. Après, je le fais régulièrement parce que c'est aussi un métier, bah, pour gagner sa vie, on fait forcément des choses comme ça. Mm-hmm. Mais j'ai toujours du plaisir à le faire et piano voix. On est vraiment, j'aime bien faire ça. Okay. Mais bon, c'est sûr que échanger avec les autres, dès qu'on est à plusieurs, il y a une dynamique. Tu peux pas y avoir dans un piano voix tout seul, quoi. Sauf que es-tu du genre à improviser beaucoup ou à rester fidèle à ce que tu écris? La scène, est-ce qu'elle te procure peut-être cette sur scène, bien sûr, on a besoin d'improviser. Hein, c'est... Mais au piano, c'est plus facile lorsque tu es seul qu'avec l'orchestre derrière. Puis... Disons que la musique que j'ai faite, elle est assez écrite, mais il y a quand même toujours des plages et des espaces pour improviser, pour slasher, en fait. Au piano, à la limite, c'est comme c'est un exercice qui est quand même plus difficile parce qu'on est vraiment seul à tout tenir, pour tenir la baraque, comme on dit. Donc, à la limite, je suis plus. C'est plus cadré, quoi. C'est presque plus cadré. Bon, il y a évidemment. Je peux faire ce que je veux aussi. Il y a des morceaux que je reprends à ma manière, mais. C'est un format qui est aussi assez, assez cadré quand même. Mais est-ce que tu fais juste tes pièces musicales ou s'il arrive quelquefois que tu reprennes des... Oui, bien sûr, je reprends des standards beaucoup. Je joue énormément de standards, aussi bien chansons françaises que les standards de jazz américains, beaucoup de standards aussi de la bossa nova et de la pop. Je joue beaucoup de pop aussi, donc... Donc je connais bien les reprises, ouais, c'est un univers que je connais et qui me nourrit aussi, en fait. Hein. On peut pas écrire à partir de rien, on a un bagage. On vient de quelque part. On vient de quelque part. Et justement ces dernières années, j'ai fait beaucoup plus de chansons françaises, beaucoup de Barbara, beaucoup de Nogaro. Donc je pense que ça m'incite à prendre mon courage à deux mains et à me lancer dans l'écriture en français, ouais. Mais c'est quand même deux étendards de la chanson française, Barbara. Ouais, Barbara, Nougaro, Gainsbourg, tout ça, okay. C'est tu reprends du Gainsbourg, des monuments. Je reprends du Gainsbourg aussi, ouais. Moi, je reprends des grands des grands standards ou l'eau à la bouche, des trucs comme ça, mais ça n'empêche que c'est un univers... lui, il était pianiste aussi. Hein. Ah oui, Barbara aussi. Et Barbara aussi, et Nougaro, lui, il a vraiment une culture jazz. Donc voilà, tout ça, c'est... Mais à l'école, est-ce que lorsque on se noie dans le jazz, en sortant de cette école-là, on veut en faire, on veut juste se consacrer au jazz, ou au contraire? Il y a beaucoup de gens. Il y a vraiment plein de parcours différents. Okay. Il y a vraiment des gens... qui restent dans un style qu'ils affectionnaient avant. Il y en a qui vont être marqués. Moi, j'ai été quand même marquée par ça. C'est sûr que ça a marqué le premier album. Okay. Mais je connais énormément de gens qui sont beaucoup plus dans les musiques actuelles, même s'ils sont passés par ça. Et... Mais ça leur permet justement d'avoir une ouverture par la musique actuelle. Quand on a fait du jazz, c'est quand même... Elle prend du relief grâce à ça quand dans même. Toutes les styles, de toute dans façon. Les de toute façon, c'est... Le jazz, c'est une musique qui permet d'aborder beaucoup de choses parce que dès lors qu'on apprend la liberté d'improviser et l'harmonie, puisque il y a aussi beaucoup... Il y a une dimension harmonique qui n'est pas négligeable. Bon, on peut aller dans beaucoup d'endroits. Si tu veux, je peux t'aider. Ça m'a l'air un peu lourd à porter. Sur ta rien oublié, les bateaux que tu me démontais. Aux vertus des rasoirs, tu viens couper court à notre histoire. À tiroir.

Donc qui peut le plus peut le moins, et je crois que c'est juste. Mais que, ce qui motive pas mal de monde à faire du jazz aussi. Lorsque tu fais un premier album, que tu passes tes chansons, qu'est-ce qui fait en sorte que la première se retrouve là et la dernière Non, ça tombe pas comme ça. En général, ça dépend de ce qu'on veut. En général, enfin nous, moi pour le premier album, on a choisi un morceau qui était réussi. C'est ton équipe, ou... Oui, c'est Charlie Souris, c'est moi, et on a fait ce choix à trois. Et parce que l'introduction, elle installait une sorte de climat et qu'on avait envie d'ouvrir là-dessus en fait. Et là, pareil, la fermeture sur une composition, une co-composition avec Stephen Guillaume qui s'intitule Take My Time. D'abord le sens du texte, il était intéressant à placer en dernier, parce qu'il était assez ouvert sur la suite. Et en même temps, le climat du morceau, je me voyais bien terminer sur quelque chose d'assez doux en fait. On ouvre et on ferme sur quelque chose de doux, et à l'intérieur ça bouge. Ça bouge, ouais. C'est comme la vie. C'est ça, exactement. Mais donc, les chansons se sont placées presque toutes seules, l'évidence était... Il y a eu un petit peu de débat, mais assez peu finalement. Enfin, il y a eu des choses qui se sont imposées assez rapidement, ouais. À les joints, est-ce que vous aviez le choix de placer tous les musiciens en même temps et de jouer, ou si c'est vraiment chaque musicien à... Non, on a pu, c'est assez live, ouais. Les prises sont assez live entre nous, on a fait ça tous ensemble et en même temps, ouais. Est-ce que tu les avais jouées avant sur scène pour les placer là, ou elles n'avaient pas de vie? Non, très très peu. Il y a quelques compositions qui avaient déjà un petit peu bougé, vécu, mais certaines se sont faites en studio en fait. Est-ce que les chansons à venir ont déjà eu de la préparation sur scène, ou tu vas les jouer pour la première fois? Non, celles-là, il y en aura qui auront déjà été jouées sur scène, oui. OK, alors tu sais déjà comment le public t'accueille. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il y en a d'autres qui se sont exclus, puisqu'il y avait il y en avait qui méritaient pas d'être sur l'album, donc on ne mettra pas, et qu'on n'a pas mise sur le précédent. Mais pour dire ça, vous l'avez essayé avant? On l'avait essayé avant, oui. Et puis aussi, simplement, une question de cohérence stylistique. Du deuxième album. Ouais. Et même du premier, parce qu'il y en avait certaines... On avait des compositions en trop qu'on a finalement décidé de ne pas mettre sur l'album. Est-ce qu'il y a certaines pièces du premier qui se retrouveront sur le deuxième, puisqu'il n'y avait pas de place? Je pense pas. Non, OK. Non. C'est vraiment terminé. Ouais, je pense qu'il y en a qui vont rester dans les classeurs. Ouais, les classeurs, donc, c'est mieux. Je les laisse quand même dans les classeurs, parce qu'on ne sait jamais. Non, allez-y. Non, mais c'est-à-dire que j'ai besoin d'étapes, en fait, donc je suis navrée. Ah. Je suis désolée, parce que en fait, les gens déjeunent depuis tout à l'heure, donc si vous déjeunez... Vous mais il y a le déjeuner. Non, je vais déjeuner. Il faut bien que je prenne votre nom à un moment donné. D'accord. Okay. Ah, mais tu aurais pu le donner. Ah oui, ben voilà, j'ai oublié de le faire, parce que en fait, je ne savais pas quand est-ce que ça démarrait, donc... Peu importe, c'est pas grave, on peut s'arrêter, puis... Ah, d'accord, Mais je fais du montage, hein. Ah, bon, très bien, ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Ah, bah, en faisant ça, ouais. Oui, tu peux bien. Sinon, elle va râler. Ouais, mais elle est mal aussi. Je crois qu'elle est... Ah, ben voilà. C'est quoi? Je savais pas que le nom des salades c'était Brel, Piaf, Gainsbourg, Paul Naref. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, tu connais Paul? Je savais pas. Non, je connaissais pas. Enfin, je connaissais de nom, mais j'avais jamais mangé là. Ouais, c'est une place tranquille là-bas. Ah, bah, je vais prendre une Gainsbourg. Ok. Extra cognac avec du cognac. Ouais. Tu prends quelque chose ou non? Tu crois? Je crois que je vais. Ouais, je vais prendre un breuvage, mais je sais pas si je vais. Gainsbourg, c'est quoi? Il y a gésier, magret de canard, foie gras. Quoique le foie gras, c'est peut-être pas ce qu'il me faudrait là en ce moment. Mais tu voulais prendre un Gainsbourg? Oui. Tu prendrais peut-être la même chose. C'est vrai qu'il est mythique, ce café bruyant. Ça fait longtemps qu'il est là. Ah oui. Oui, c'est très bien. Rien au centre, c'est sympa. Hein. Le gabin, le blier, ouais. C'est génial. Ouais. J'adore. Il n'y a pas de droit d'auteur, donc ils se sont... c'est ça. Mais pour Sting, ça a été pas, c'est pas trop compliqué d'aller chercher des chansons. Tu lui as demandé? Non, c'est Kenny Kirkland. Non, ça s'est bien passé. Ah, ouais. C'est quand même bien. C'est que, hein, c'est unique, hein, de... Ouais. Bonjour. Bonjour, toi. Ah là là, les belles choses. Et alors, en fait, c'est une radio... Oui, c'est la première radio communautaire francophone au monde. Oui. Donc, les radios libres viennent de chez nous. Oui. Toutes les radios que tu connais, Carbone 14, tout ce qui a débuté ici, ont commencé avant tout chez nous. Et les Français, les Suisses, les Belges ont été voir chez nous comment on la faisait. Ah ouais. Pour la rapporter ici. Avec la technique que l'on utilisait, les mixeurs, les platines analogiques, voilà, on est les précurseurs. Wow. Donc la radio CKRL a eu 40 ans en 2013. Ah oui? C'est la plus vieille radio communautaire francophone au monde. Ah, c'est incroyable! Non, oui, oui, oui. Et on est les pionniers. Voilà. Bravo! Oui, bien, merci. Puis, ça fait 40 ans que ça existe. Oui, oui, 40 ans. Sacré truc, quoi. Oui, on s'est implanté à Québec et on est resté à Québec. Donc, il y a plusieurs autres petites radios communautaires au Québec, mais nous sommes la première. D'accord. Et là, ça passera quand? Moi, j'ai un ami au Québec, alors il faudrait que je dise quand est-ce que à ça Québec passe. Ou au Québec? Il est à Québec. OK. Ah, ben c'est bien. Oui. Il est à Québec. Un français? D'écouter. Et ouais, il est français, ouais. OK. Ouais. Ben, écoute, moi, je fais toutes mes rencontres avant samedi. Voyons, on va pouvoir le dire à un moment donné. Avant samedi. Et donc, je te dirai d'ici quelques semaines. Oui, avec plaisir. Ça peut. Mais c'est sûr que c'est pendant la période 2013-2014. D'accord. Donc. D'accord, ça va être dans l'année, en fait. D'accord. Exactement. D'accord. Exactement. Très bien. Donc, et ça, c'est, en fait, mon émission, c'est 60 minutes de musique et de rencontre et 60 minutes d'improvisation. D'accord. Donc, ici, c'est comme le plancher, c'est le plus sérieux de ce que je présente aux auditeurs et auditrices. D'accord. Okay. Après ça, c'est du délire narratif. Ouais. Donc, ça s'en va vers l'absurde. Donc, Ionesco est souvent amené à frayer dans mes sentiers. Donc, d'accord. Il n'y a pas de pas problème mal. Là-dessus. OK. Juste là, tu enregistres combien d'heures d'émission donc avec là avec moi parce que pour savoir si parce que j'ai une copine que je devais retrouver. Ah non mais il faut que je la prévienne. Ben tu me dis quand moi il n'y a aucun problème. Hein. Là je sais pas il est quelle heure. Là. Moi j'avais une pièce de théâtre à 15h. Ah bon voilà d'accord très bien. Ah mais là donc, il est trop tard. Ah il est trop tard pour la faire la pièce. D'accord. Non pour aller la voir la pièce. Ouais. C'est à la Gaîté, donc mais j'en ai une autre à la Gaîté. Ça, c'est oui, pour c'est ça. Ça. Mais j'ai une autre pièce à la Gaîté, donc. D'accord. À 17h, je crois. D'accord. C'est avec Francis Houster. D'accord. Bon, faut que je lui dise 15h30 alors. Ah, 15h30, oui. Bon. Faut que je lui dise 15h30. Donc, de Gainsbourg, c'est ça? Oui. Ben, toi, tu restes avec ton Gainsbourg? Ouais, ok. Mademoiselle, oui. On va vous prendre deux salades Gainsbourg, s'il vous plaît. Carafe d'eau. Et une carafe d'eau. Oui. Enfin, je sais pas, tu veux. Oui. Je vais la prévenir tout de suite. Ok, elle vient te rejoindre. Non, je vais à République la rejoindre. Ok. Et après, je voulais aller. Si, je suis garée là-bas. Donc, le temps que. Ok. C'est pour ça. Ah, c'est incroyable ici. Hein? Ouais. On n'a pas d'espace. Ouais, non. Là, c'est fini. Là. On ne peut plus jamais se garer. C'est terminé. Définitivement. Mais surtout ici. Ouais. Ailleurs, c'est un peu plus. Ah, c'est la galère. Là. Ouais. Ouais. Ah, excuse-moi. Bah, là, en plus, c'est piéton. Moi, je ne savais pas aujourd'hui que c'était piéton. Normalement, on peut toujours se garer sur une livraison. Le dimanche, je savais pas que c'était. Ah. Oui, Federica, c'est Raphaël. Donc, ce sera plutôt vers 15h30 à République, si tu veux bien. Excuse-moi. À tout à l'heure. Et tu avais prévu 15h? Oui. Ah. Parce que j'avais prévu d'être à l'heure. Et commencer à 13h30, en fait. Pour ça. Mais là, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Alors, tu ne seras pas arrivé là à 15h30? Je pense que ça va aller, si, parce que la salade. Chez nous, on appelle ça conduire à la cabane. Merci. Es-tu déjà passée au Québec? À Québec? Ah, j'étais très petite. J'avais 8 ans.

part. Porte-toi bien et à plus tard. Dis-leur qu'ici tout va bien. Dis-leur bien qu'ici tout baigne. Tout baigne. Tout baigne. Tout baigne. Tout baigne. Tout baigne. what I am, in which God will give the charm. I'll never be a slave to another one's plan. I got life, I got joy, and I'm making my own way. Tu as visité Québec ou Montréal? J'avais visité Québec. Ok. Ouais. On avait fait avec mes parents Vancouver, Calgary, Jasper, je crois, des choses comme ça, jusqu'à Québec. Et ton copain qui est à Québec, il étudie à l'Université Laval? Non, lui, il travaille, il est dans le monde du travail. Il est dans les télécommunications. Au bout? Alors, il y a plus d'ouverture chez nous qu'ici? Bah, je crois que c'est plus facile de trouver du travail. Et puis, lui, il avait un boulot ici, mais il avait envie de se dépayser. Donc, OK. Et il habite Québec depuis combien d'années? Ah, très peu de temps. Il okay. est là depuis 3 mois. Ah, OK, mois. C'est tout récent. Ouais, hein? Très, très récent. Ouais. OK, OK, ouais. OK. Et c'est un ami avec qui tu allais à l'école? Ou... Pas du tout. Non, okay. Non, c'est que c'est un ami chanteur, un ami d'amis. Et puis, on avait Il a abandonné la musique pour faire ça. Il est en fait c'était sa deuxième. Enfin, c'était sa passion, la musique. C'est sa passion. Et il chante pas mal de soul musique et de salsa aussi. C'est comme ça que je l'ai fait sa connaissance. Salsa? Salsa, ouais, moi je chante pas de salsa du tout, mais j'en jouais un tout petit peu. C'est surtout okay. Musique brésilienne. Ok, bon. Ouais, okay. Tu sens le soleil lorsque tu commences à jouer. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Mais le deuxième album que tu prépares, c'est pour 2014? Ouais, normalement ça va sortir en 2014. Je pourrais pas donner une date exacte, mais... As-tu un label ou si c'est toi qui... C'est avec le même label que le premier, c'est un label qui s'appelle Gemini Records. Ouais. Et donc, c'est le label de Benoît Souris et André Charlier. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui? Ben, à l'époque tu peux pas en parler, mais aujourd'hui c'est plus difficile de faire des... Bon, c'est surtout difficile de trouver des labels, ouais. Ouais. Moi, j'ai vraiment eu de la chance parce que c'était vraiment une rencontre, c'était un coup de cœur en fait, de part et d'autre. Mais pour beaucoup de mes amis musiciens, je sais à quel point c'est vraiment difficile pour eux. Mais surtout de vendre aussi. De vendre ça, c'est clair que c'est carrément la galère. Mais ne serait-ce que trouver un label pour exister, se faire chroniquer dans les... Dans les revues, dans les sites internet. Ouais, très très difficile. Mais en plus, ça ouvre le chemin pour un spectacle. Les gens qui vont écouter ton album, je dis, bon... C'est ça. C'est exactement ça. On a besoin quand même d'être distribué. Et puis c'est un relais. Et puis un label, ça veut bien dire ce que ça veut dire aussi. C'est les gens. Quels sont les gens qui t'ont fait confiance? Enfin, c'est quand même assez important. Quoi. Croire en toi. Ouais. Non, ah oui, voilà, qui croit en toi, qui a confiance en. Mais est-ce que c'est toi qui as proposé un deuxième album ou c'est eux qui t'ont suggéré de. Pas les deux en fait. On s'est dit, tiens, ce serait le moment de faire la suite. Puis maintenant, la durée de vie des albums, elle est quand même assez courte. Oui, ah oui. Ça s'est vraiment écourté. Et comme les artistes, on gagne plus d'argent vraiment en vendant des CD, mais en faisant de la scène. Oui, c'est ça. Et ben, ça installe aussi une cadence soutenue parce que on ne peut pas se permettre de rester 5 ans sans rien faire. Les gens, surtout pour un premier album, quoi. Il faut quand même encore. Je pense qu'un deuxième, c'est l'occasion de faire ses preuves encore plus. De confirmer quelque chose. Donc on a besoin de faire à peu près rapprocher du premier. Pas que ce qui a, enfin, la petite effervescence qu'il y a pu avoir autour d'un album ne disparaisse tout à fait. En fait, autour d'un artiste ne disparaisse tout à fait. Est-ce que toi tu as envie ou si tu as un autre travail parallèlement à ça? Moi j'ai envie, ouais. Okay. Ouais, j'ai envie, ouais. C'est quand même assez spécial. Voilà. Ouais, ouais, c'est de la chance. Oui, ouais, ouais, beaucoup. Puis sans enseigner, c'est ça qui est. Ouais, tu sans enseigner, tout. Donc en faisant uniquement de la scène. Et tu fais combien de spectacles par année? Ça c'est difficile à dire, tout cumulé. Je sais pas combien j'en fais par année. Une cinquantaine? Ouais, au moins, ouais. mais pas uniquement avec mon projet. Hein. Non, c'est ça, alors voilà. Tu es dans plusieurs groupes. Voilà, je fais plusieurs groupes. Puis on fait toujours aussi des événements privés, ça c'est obligatoire à l'heure actuelle. Et puis voilà, des restos, des piano bars, le bœuf sur le toit par exemple, dans lequel je joue régulièrement. Je fais aussi des télévisions, j'accompagne des gens à la télé cette année. Est-ce que ça arrive souvent? Ça arrive cette année, ouais. Puis bon, c'est plus fun, hein, ça, c'est pas vraiment artistique, mais voilà, ça permet aussi de faire le métier en fait. Hein. D'être c'est comme ça qu'on fait, quoi. Puis d'être vu, c'est, on est obligé d'être multicasquette. Oui, ouais. C'est ça. Ouais. Donc ça t'ouvre sur plein de formes musicales. C'est pas sclérosé dans un univers. Ouais. Et à la suite de ça, tu vas peut-être faire des rencontres qui elles. C'est ça, ouais, exactement. Et est-ce que tu es connu un peu aussi en Belgique qu'en Suisse? J'ai jamais fait de scène en Belgique. Je devrais en faire en Suisse là dans quelques mois, mais j'ai pas encore fait de scène en Belgique, donc non, je pense pas que. Mais toi, t'as pas de tourneur, t'as personne qui. J'ai depuis quelques mois un tourneur, voilà, mais qui débute aussi lui dans ce domaine, donc. Ok, ouais, c'est ouf. Okay, donc on va tout faire ensemble. Ok, ouais, ouais. Mais voilà, hein, en même temps, les Stones, ils avaient un tout jeune agent aussi. Ça peut marcher. Ah oui, oui, il faut y croire. Hein. Il faut y croire, oui. Bah, lui, il y croit, donc. Ok. Puis c'est pareil, les agents, il y en a de moins en moins qui prennent des artistes en développement, donc. Ouais, des artistes de la relève, comme on dit. Les artistes de la relève, ouais, c'est vraiment. Il y a beaucoup moins de gens, donc il y a plus d'artistes et moins de professionnels pour les aider et les encadrer. Ça complique les choses, donc bah, du coup voilà, on mène ces projets avec des gens qui, comme nous, débutent. Il ne faut pas en avoir peur, hein, faut se lancer. Quoi. Mais pour ton deuxième album, est-ce que tu vas refaire confiance à la même équipe? Tu vas te... Se débarrasser. Pour mon deuxième, oui, je vais refaire confiance certainement au même genre. Ouais. Je pense que c'est plus le moment de confirmer des choses et après, s'il doit y avoir des changements, ils vont s'opérer, mais après. Là, il faut enfoncer le clou en fait. Ah, tiens, c'est avec des gens avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui c'était déjà c'est bien. C'est plus facile, c'est plus facile. Mais un deuxième album, c'est plus facile, bah, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu as un studio maison aussi? J'ai un studio maison. J'ai quelques éléments pour travailler, ouais. Okay. Mais, pour faire des maquettes. Voilà, pour faire des maquettes. Ouais. Et tu proposes ça à tes musiciens qui, eux, travaillent On travaille pas beaucoup comme ça. Jusqu'à présent, on travaille beaucoup en live, en se voyant, en fait, en répétant ensemble. Est-ce que vous répétez souvent? Ouais, on a répété pas mal. Et puis, bon, surtout qu'on a fait, comme on a fait pas mal de concerts. On s'est vu souvent, on essayait des choses en balance, par exemple, on a mis au point des choses en balance. Et là, on va faire des résidences, ouais, très certainement. Ok, à quel endroit? Chez l'un des collègues. Qui a tout ce qu'il faut pour qu'on reste quelques jours à travailler ensemble en base un peu flou. I adoring all my needs left unfulfilled. Possessions took me prisoner, my dreams are locked, my hands are tied. But courage is the one thing I can't buy. I'm drowning in the sad world, made of blood and made of tears. The melody of TV news plays on my reality. this wide world made of stone and made of steel. The objects I adoring of my needs unfulfilled. Possessions took me prisoner, my dreams unlocked my hands and tied. Courage is the one thing I can't find. We built up this world that's made of beggars, made of gold, where nature is a memory so ancient we all feel too old. Why is our world more than the same castle? We're out of time, come on, let's change it all. We're out of time, come on, let's change it all. We're change it all. Mes chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.